nous verrons demain. Est-ce qu'il y aura un lendemain? Serait-ce un autre jour? Serait-ce le paradis? Demain. Thank you. Thank you.